Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Comme un ouragan, un mardi sur deux sur Radio Duo 89.5. Ce soir, on a envie de réfléchir et de discuter un peu autour de la radio comme outil féministe. On a dans le studio deux invités. Et on est aussi dans la préparation de la marche du 5 juin contre les frontières à Nice. Et du coup, ça sera une émission sur la radio comme outil féministe et la radio contre les frontières. Et du coup, pour cette émission, on a deux invités et on a envie de commencer par écouter Chronique amère, qu'on a déjà diffusée sur Comme un ouragan il y a à peu près un mois et demi. Voilà, Chronique amère réalisée par l'Alarme Faune, chronique contre les frontières et qui raconte ce qui se passe dans la Méditerranée. Voilà, parce que Comme un ouragan, c'est une émission féministe et c'est une émission contre les frontières. Alarm phone, hello. Hello, my friend. Hello, my friend. This is Alarm phone. How are you, my friend? I hear How you. Many can are you hear me? Hello, my friend. This okay, can you give me your GPS position? Can you give me your GPS position? Chronique amère. Chronique amère. Chronique amère. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone. Freedom, I don't meet him. Where's your freedom? Can you hear me? Give me your GPS position. Okay, I call you back. What kind of boat what are you on? See around you? Can you give me your GPS position? You I can hear you. Can you hear me? Okay, I call you back. I will call you back. Let's try calling again, because right now I can't hear anything. La Méditerranée est devenue un cimetière. Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le racisme et le colonialisme tuent. Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant. 147 personnes par an. 34 personnes par semaine. Près de 5 personnes par jour. Et bien, bien plus dont on ne sait rien. Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Salut à toutes et tous, et bienvenue dans la deuxième édition de Chronique amère. Dans cette chronique mensuelle, on parle des politiques des frontières en Méditerranée et leurs conséquences. On en parle toujours depuis Alarm Phone. Alarm Phone, c'est un réseau d'activistes des deux côtés de la Méditerranée. Et parmi nous, il y a une majorité de personnes qui s'identifient comme des femmes ou dans des identités autres que celles d'hommes cisgenres. Les rapports de pouvoir sexistes traversent notre réseau, comme dans tous les espaces sociaux, comme dans tous les espaces militants. Il n'y a pas de raison pour qu'Alarm Phone en soit préservé. Alors chez nous, on en parle. On accueille ce débat, par exemple lors d'ateliers en non-mixité femmes et personnes LGBTQIA pendant nos réunions générales. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, cette chronique se fixe comme projet de casser l'image que vous avez peut-être de la personne en mouvement. Quand on imagine cette personne qui migre, on voit en général un jeune, en général noir, et toujours un homme. En fait, non, cette personne est une fois sur deux une femme. Pour permettre d'identifier une embarcation en Méditerranée, une des premières questions qu'on pose aux personnes sur le bateau, c'est « Combien de femmes à bord ?» Et parfois, les femmes représentent la moitié, ou même la majorité des personnes présentes à bord. Aujourd'hui, dans Chronique amère, on a voulu parler de leurs raisons, des violences de leurs conditions, de leurs stratégies de résistance. Parce qu'elles existent avec force, mais qu'elles sont souvent invisibles des discours médiatiques et politiques. Alors, pour cette émission, on a eu envie de discuter avec une camarade Alarm Phone au sud de la Méditerranée. On a pensé à Radi, activiste à Tanger, au Maroc. Mais se rencarder avec Radi pour une interview, c'était pas simple. Salut Leïla, je m'excuse beaucoup, parce que je t'avais dit que j'ai réunion après Oui, on doit rencontrer avec un gars parce qu'on doit écrire un rapport pour le 8 mars qu'on doit vous envoyer tous. Salut Laila. Hier aussi, comme tu vois, nous, il y avait des arrestations au niveau de la Médina ici, des photos, des images. Je suis partie des lieux qu'ils ramassent des Africains dans leurs maisons en train de les déloger. C'est là-bas que je suis partie hier pour prendre des images, quoi. En fait, je suis quittée là-bas parce que la police les a fait tous sortir et les a refoulés à la sortie. Entre des réunions de préparation du 8 mars et du monitoring de rafles à la Médina de Tanger, Radhi a finalement trouvé un peu de temps pour nous parler d'elle et de son engagement dans Alarm Phone. Je m'appelle Radhi Sis, j'ai 27 ans, bientôt 28 ans. Je suis quittée au Sénégal en 2015. Je suis passée par la voie terrestre et je suis dans l'organisation depuis 2015. Puis intégrée 2015, il y avait des frères sénégalais que j'avais le problème de logement là où je vais dormir. J'ai croisé avec un frère qui s'appelle Sidi. Et il m'a mis contact que j'ai trouvé dans la maison des collectivores avec eux chaque jour. Du coup, c'était en Europe là-bas, ils sont venus et j'ai vu leur travail. Ça m'a plu. J'ai dit, je vais m'intégrer. C'est comme ça que je suis intégré dans le groupe. Ouais. Mon travail consiste à rencontrer des migrants, essayer de voir leur problème et aussi de distribuer le numéro d'alarme pour les expliquer comment le travail ça se fait pour les dire que le numéro d'alarme c'est un numéro pour vous assister pendant votre sauvetage. Et après les gardes-côtes, comment ça se passe? Je suis une femme qui lutte l'injustice qui se passe. Et c'est comme ça que je suis intégrée, comme je déteste de l'injustice qui se passe depuis. Voilà. Dans cette émission, on a eu envie de vous parler d'un cas Alarm Phone, où les femmes sont au cœur de la traversée. Il se passe en mer Égée en juin 2020. On s'est dit que c'était une bonne occasion pour vous parler de cette région de traversée, entre la Turquie et la Grèce. Au sein de l'Alarm Phone, on a divisé la Méditerranée en trois zones. La Méditerranée centrale, la Méditerranée occidentale et la zone de la mer Égée. Donc cette zone comprend principalement les passages entre la Turquie et la Grèce. La Turquie a un point de passage très important avec des personnes qui arrivent d'Asie, de Moyen-Orient, mais aussi de pays africains, car ils arriveront à y obtenir des visas d'entrée plus facilement. L'arrivée en Grèce, donc en Europe, depuis la Turquie, peut se faire par la terre, en traversant la rivière Evros, au nord-ouest de la Turquie, ou par la mer. Le passage terrestre est très difficile car la zone de passage est étroite et très contrôlée. Donc la route qui est privilégiée jusqu'à présent est le passage en bateau vers des îles grecques proches de la Turquie. La distance moyenne de la traversée est de 20 km, qui peuvent être parcourus dans le meilleur des cas en 2 ou 3 heures. Dans la mer Égée, il y a du réseau téléphonique et l'accès à Internet quasiment tout le long de la traversée, ce qui rend les contacts beaucoup plus faciles. Hello my friend, this is Watch the Met Alarm Phone. Et malgré cette distance réduite, beaucoup trop de personnes continuent de perdre la vie pendant cette traversée. Parce que pour éviter d'être envoyé en Turquie, les personnes doivent prendre de plus en plus de risques. Partir de nuit, avec un mauvais temps, Les vagues peuvent renverser leurs embarcations, qui sont souvent en mauvais état. Les bateaux s'écrasent sur les rochers qu'ils ne peuvent pas voir. Et en plus, tout est mis en œuvre par les politiques européennes pour ne pas venir en aide aux bateaux en détresse, ce qui va causer la mort de nombreuses personnes. Le changement de gouvernement à l'été 2019 a empiré la situation. À partir de février 2020, l'alarme faune a été témoin de la montée des refoulements et de la violence de la part des gardes-côtes. Même une fois que les embarcations sont dans les eaux territoriales grecques, voire sur le sol grec, sur les îles directement, les autorités les renvoient aujourd'hui de façon quasi systématique en Turquie. Ces pratiques sont totalement illégales, puisque les autorités ne peuvent pas expulser des personnes avant qu'elles aient pu déposer une demande d'asile. Juin 2020, 6h31 du matin. Alarme Faune reçoit un appel de détresse d'un bateau au nord de Lesbos. 32 personnes à bord, 11 enfants, 10 hommes, 11 femmes. L'une d'elles est enceinte de 8 mois. Elles ont fui l'Afghanistan et nous disent au téléphone qu'elles veulent demander l'asile en Europe. Leur position GPS est alors 39,417 degrés nord, 26,180 degrés est. On alerte immédiatement les gardes-côtes grecs et on leur communique ces informations. « 7h14, les personnes à bord nous racontent que leur bateau a été attaqué à plusieurs reprises par un bateau grec qui leur a volé leur moteur et leur gazole, les a frappés à plusieurs reprises et les a menacés de les tuer. Les gardes-côtes turcs sont sur place. Ils n'interviennent pas. » On ne sait pas avec certitude qui est responsable de ces attaques ce jour-là. Mais ce qu'on sait, c'est que de plus en plus souvent, les gardes-côtes grecs, avec parfois l'aide de Frontex, attaquent des personnes qui sont dans les eaux territoriales grecques ou même qui sont arrivées sur les îles. Ils volent leur essence et leur moteur, font des vagues autour du bateau ou l'amènent directement dans les eaux turques pour que les gens soient ramenés en Turquie. Mais revenons au 13 juin 2020. Pendant les heures qui suivent, les personnes à bord nous envoient des photos documentant les attaques qu'elles subissent ainsi que de nouvelles positions GPS. La police grecque se rend sur place, mais n'intervient pas non plus. 17h30, la femme enceinte de 8 mois commence à perdre les os. Elle a des contractions. On appelle les gardes-côtes, encore et encore. On les presse d'intervenir. Ils ne portent toujours pas secours aux gens, alors que leurs bateaux sont à côté du bateau en détresse. Ils quittent même les lieux au bout d'un moment. Jusqu'à 22h ce jour-là, nous sommes en communication continue avec les gens sur le bateau. Une des femmes sur le bateau a déjà vécu un accouchement. Elle prend donc en charge, du mieux qu'elle peut, la femme qui vient de perdre les os, avec l'aide d'une camarade sage-femme que nous appelons et qui donne des conseils par téléphone. Conseils ensuite traduits en farsi par une autre camarade de l'alarme faune, que nous appelons également. Jusqu'à 22h, nous faisons pression pour que les gens à bord soient sauvés. Jusqu'à 22h, les gens à bord continuent d'envoyer des photos, de s'occuper de leur compagne de voyage en travail d'accouchement. Malgré l'eau qui entre dans le bateau, malgré les vagues qui augmentent et malgré la panique. À 22h, les personnes à bord sont secourues, grâce à leur détermination d'abord, grâce aux photos et aux vidéos qu'elles ont envoyées pour témoigner des violences vécues en mer, grâce à la solidarité de femmes d'un côté et de l'autre du téléphone, grâce aussi au travail de monitoring de militantes sur place, en bateau ou avec des jumelles depuis la terre, qui documentent les situations de violence et de refoulement illégaux et les relaient sur les réseaux sociaux, grâce enfin à la pression médiatique et politique mise sur le gouvernement grec. Cette histoire illustre bien ce fait peu médiatisé et peu documenté. Les femmes se déplacent. Elles se déplacent depuis longtemps. Elles se déplacent massivement. Elles sont également actrices de leur migration, contrairement à ce que veulent nous faire croire les imaginaires sexistes. Les femmes exilées, quand elles sont représentées, le sont souvent comme étant à la charge d'un homme, un époux, un frère, un père, etc., qu'elles suivraient passivement. Or, les femmes sont de plus en plus nombreuses à migrer seules ou avec leur famille, en ayant leur propre projet. Un projet d'émancipation, une recherche de sécurité et de plus d'indépendance. Tu me la sautes et tu lances. Il n'y a pas de faire confiance. Les femmes migrent pour des raisons similaires à celles des hommes, mais elles fuient aussi à cause de persécutions ou discriminations qui leur sont propres. Elles fuient le manque d'opportunités en tant que femmes d'avoir accès aux études ou au travail, par exemple. Elles fuient aussi les violences sexuelles, l'excision, le mariage forcé, etc. Les femmes qui ne correspondent pas au rôle traditionnel de la femme, donc le fait de se marier, d'avoir des enfants, sont plus généralement sanctionnées socialement. En particulier les lesbiennes, les prostituées, les divorcées, les célibataires, parfois les veuves, aussi les féministes ou les femmes qui sont considérées comme trop indépendantes, trop rebelles, trop instruites, etc. Elles fuient pour pouvoir décider de leur corps et de leur avenir. Le fait de migrer est donc souvent un acte de rébellion et une recherche de plus de liberté. Les femmes qui fuient les violences et persécutions doivent aussi subir le long de leur parcours vers l'Europe de nouvelles violences. Sur le trajet, elles sont quasiment systématiquement victimes de violences, d'harcèlement, d'agressions sexuelles, que ce soit de la part des passeurs, des compagnons de route, des forces de l'ordre, des militaires, etc. Les femmes font également face à plus de risques lors des traversées en mer, parce qu'on leur attribue en général les places les plus dangereuses dans l'embarcation, parce qu'elles doivent s'occuper en plus d'elles-mêmes souvent des enfants. Elles peuvent aussi faire la traversée en étant enceinte, etc. Ce qui fait que proportionnellement, les femmes sont plus nombreuses à mourir par noyade que les hommes. J'ai animé il y a 2 ans un atelier de prévention, de réduction des risques en fait, sur la sécurité en mer. C'était en non-mixité, c'était un atelier avec des femmes. Et en fait, ce qu'elles m'ont raconté à ce moment-là, c'était que... D'une part, on leur disait, les passeurs leur disaient que si elles avaient leurs règles, elles ne pouvaient pas faire la traversée parce que ça allait attirer les requins. En fait, les passeurs, à chaque traversée, les raquettaient de leurs bijoux en prétextant que les bijoux qu'elles portaient pouvaient attirer les radars, ce qui est un peu du grand n'importe quoi. Donc, bon, après avoir échangé avec elles, on a conclu qu'il valait mieux qu'elles... Qu'elles planquent leurs bijoux sur elles, qu'elles ne les montrent pas. Énormément de femmes subsahariennes sont victimes de la traite des êtres humains. Elles sont prises en charge du pays de départ jusqu'au pays d'arrivée par des réseaux organisés dans le but de les exploiter. Elles seront alors forcées, à l'arrivée, à la prostitution ou au travail domestique. Les discours politiques européens se montrent virulents contre la traite des êtres humains, mais dans les faits, les politiques de contrôle des frontières favorisent les réseaux de traite. Le passage des frontières étant de plus en plus difficile, il est presque impossible pour une femme de migrer de façon autonome. Elles sont donc contraintes d'entrer dans un réseau de traite, alors même que leur objectif était de s'émanciper. We are suffering here with the kids. We are sleeping outside. We are rejected. And then they are asking people money for what? We are not working. We are foreigners. Ainsi, les femmes qui migrent doit faire face à de nombreux obstacles. Des obstacles semés par les politiques européennes sur les parcours de migration des pays d'Afrique et du Moyen-Orient vers la forteresse européenne. Mais elles doivent aussi affronter des obstacles liés au fait de se déplacer en tant que femmes. Et comme on peut s'en douter, même si elles sont peu visibles, ces femmes s'entraident, s'organisent, résistent ensemble, créent des espaces de rencontre, de soutien, de partage et de lutte. Enough is enough. We are tired. We are not safe. We are suffering like the foreigners. Beaucoup de femmes qui traversent la mer Égée se retrouvent dans des camps de réfugiés surpeuplés, comme celui de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Pour vous donner une idée, ce camp, avant d'être détruit par un incendie en septembre 2020, était en surcapacité de plus de 500%. Dans ce type de camp, l'accès aux besoins les plus élémentaires, comme l'eau potable, l'électricité, le logement, les soins médicaux et la sécurité, n'est évidemment pas assuré. Les premières victimes de ces conditions de vie sont les femmes. Les femmes qui arrivent, même seules par exemple, doivent cohabiter avec des hommes, dans des tentes. Des ONG ont aussi dénoncé que plusieurs d'entre elles préfèrent porter des couches pour adultes la nuit, plutôt que de se rendre dans les rares toilettes du camp. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Le 30 janvier 2020, un groupe d'une quinzaine de femmes afghanes a organisé une manifestation à Mytilène, la capitale de Lesbos, pour protester contre les horribles conditions de vie dans le camp de Moria. We need freedom. We need to be free. Environ 450 femmes et enfants, d'âge et de nationalités différentes, sont descendues dans la rue et ont bloqué la circulation pendant plusieurs heures. Toutes les femmes contre la Moria. Femmes solidaires, Moria est un enfer pour les femmes et stop à toute violence contre les femmes, était inscrit sur certains de nombreux panneaux, tandis que la foule scandait « Assadi !» Liberté en farsi, en levant les poings. De nombreuses femmes ont gardé leur visage caché, derrière des hijabs, des écharpes volumineuses et des masques chirurgicaux pour dissimuler leur identité et éviter une expulsion immédiate par les autorités grecques. Voilà, Chronique Amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cette édition de Chronique Amère avec des pensées de solidarité. Solidarité avec une demandeuse d'asile afghane de 26 ans, enceinte de 8 mois, qui a tenté de s'immoler par le feu dimanche 21 février dans le camp de Kara Tepe à Lesbos. Elle a expliqué qu'elle et sa famille devaient être transférées en Allemagne, mais que l'opération a été annulée au dernier moment. Elle est poursuivie pour incendie volontaire. Des pensées de solidarité avec celles qui luttent pour partir, celles qui luttent tout au long de leur voyage, celles qui luttent pour que d'autres partent, celles qui luttent quand elles arrivent, celles qui luttent pour que d'autres arrivent. Des pensées de solidarité avec les femmes qui sont arrivées en Europe où elles sont confrontées, de nouveau, aux violences policières, administratives et institutionnelles. Des pensées de solidarité pour les personnes minorisées en mouvement, des enfants, des personnes LGBTQIA, dont on parlera certainement dans d'autres émissions de Chronique Amère. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui nous ont fait des retours, qui l'ont diffusée, qui y ont participé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de l'Alarmphone. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. On y parlera de la frontière méditerranéenne en situation de Covid. En attendant, main sur le cœur et point levé. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cosas. morras marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. Justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro. Et c'était Canción Sin Miedo de Vivir Quintanas, une chorale féministe mexicaine. Et on avait envie de la passer après cette chronique amère, parce que c'est une chanson qui parle de féminicide et qui parle surtout de comment être ensemble pour en oublier aucune. Voilà. Et parce que aussi elle emporte dans la rage et la résistance. Un peu comme le ton de cette chronique amère qu'on vient d'entendre. Et vous êtes toujours du coup sur Comme un ouragan, l'émission féministe de Radio Dio, un mardi sur deux, et il est 21h30. Et du coup, bah là, comme on disait à l'intro, on est super contente là d'avoir deux invités avec nous, et que c'était du coup aussi là la thématique, c'était de causer justement la radio comme outil politique. Et bah on peut commencer avec toi qui participe à la création là de ces chroniques amères et qui est un putain de super outil politique. Et est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu pourquoi ces chroniques, comment elles se fabriquent, etc. Bah carrément, je suis trop contente d'être avec vous ce soir. Alors ces chroniques amères, elles sont nées il y a pas très longtemps, elles sont nées en janvier dernier. En fait, on a beaucoup hésité à les faire. Parce que au sein de l'Alarmphone, plutôt ces dernières années, l'idée c'était que en France, on essayait de pas trop parler de l'Alarmphone, notamment parce qu'à chaque fois qu'il y avait des articles sur l'Alarmphone ou de la médiatisation de l'Alarmphone qui sortait, et ben derrière sur la ligne d'Alarmphone, il y avait des tas et des tas d'appels de fachos qui essayaient d'occuper la ligne. Et par exemple, donc Alarmphone, c'est un réseau qui est hyper large. Et donc, dans différents endroits, il y a vraiment des stratégies différentes. Et en Allemagne, où il y a tout un tas de camarades d'Alarmphone, bah, ça fait des années qu'il y a une sorte de médiatisation de qu'est-ce qui se passe dans la frontière méditerranéenne et quelle est la responsabilité notamment des États européens dans les morts et dans la construction de la frontière méditerranéenne. Et du coup, on s'est dit que là, on en avait assez et on avait hyper envie d'en parler. Notamment parce que un des enjeux, c'est de faire oublier que la Méditerranée est une frontière, de faire oublier qu'il y a des gens qui meurent en Méditerranée dans l'indifférence totale. Et du coup, nous, on s'est dit là, en vrai, il n'y a pas moyen qu'on n'en parle pas. Et que cette envie-là et cette rage de voir ce qui se passait en Méditerranée, elle a été plus forte. Voilà, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir parler de ce qui se passe en mer Méditerranée ? Et on s'est dit, la radio, franchement, c'est un super outil. Et c'est un super outil pour plusieurs raisons. C'est un outil qui est diffusable de plein de manières différentes. Et c'est aussi un outil auquel peuvent participer des gens des deux côtés de la frontière. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé Chronique Amère en janvier dernier. Et c'est pour ça que du coup, dans le numéro qu'on vient d'écouter là de Chronique Amère, il y a une camarade de Tanger, Radi, qui témoigne et qui a du coup pu témoigner parce que aussi la radio elle permet ça en fait, elle permet de parler un peu de plein d'endroits différents. Et là on a des camarades du Sahara occidental qui ont rejoint la chronique amère et à qui ça a donné vraiment l'envie de raconter ce qui se passe au Sahara occidental. Et c'est quoi donc le Sahara occidental, c'est une région au sud du Maroc où il y a des gros enjeux d'indépendance par rapport au Maroc. Ouais. Qui a été colonisé par l'Espagne et par le Maroc, et du coup qui est un endroit où il y a de plus en plus de départs vers les îles Canaries. Et du coup, bah, ses camarades, ils ont dit, en fait, nous, on a trop envie de parler et que ce soit diffusé, de dire, bah, en fait, les politiques européennes de frontières, elles ont des conséquences hyper trash, et notamment dans les pays au sud de la Méditerranée. Et il y a plein de gens qui s'organisent pour, en fait, permettre juste aux gens de bouger. Et du coup, bah, la radio, elle nous a permis ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ces chroniques. Et c'est pour ça que dans cette édition de Chronique Amère et puis dans les autres, bah, on entend en fait plein de voix différentes qui sont vraiment des voix de camarades qui sont à plein d'endroits différents au nord et au sud de la Méditerranée. Et aussi comme outil politique, j'ai l'impression que ce qui est hyper important avec les chroniques amères, c'est justement de rendre toutes les personnes qui meurent en Méditerranée, de leur rendre de la visibilité et de ouais. Mais est-ce que tu veux causer un peu de ça aussi? Ouais, carrément. Il y a un truc qui a été lancé il y a quelques années qui s'appelle les commémorations. Du coup, l'idée des commémorations, c'est de se souvenir de tous les gens qui meurent en Méditerranée, et il y en a beaucoup tous les ans à cause des politiques de frontières. Et du coup, l'idée, c'est de dire, se rappeler de ces gens-là et pas laisser juste les gens mourir dans l'indifférence. Mmh. Et c'est un enjeu hyper grand. Et c'est accompagné de tout un tas d'actions, de manifs, de textes, de chansons, etc. Et là, par exemple, la semaine dernière, y a eu un des plus gros naufrages de ces derniers mois au large de la Libye. Il y a plus de 130 personnes qui ont été laissées noyées à côté de la Libye. Et l'alarme faune a été prévenu hyper vite de ce bateau qui était en détresse et qui était en mer avec des conditions hyper dures, des vagues de 3-6 mètres. Et l'alarme faune a prévenu et les gardes-côtes, les soi-disant gardes-côtes libyens qui ont été formés et qui sont financés par l'Europe, mais qui en fait font pas du tout un travail de sauvetage des gens en mer. Donc l'alarme faune a prévenu ces soi-disant gardes-côtes libyens qui n'ont pas bougé. Il y a Frontex qui a vu le bateau et qui n'a pas non plus lancé d'opération de sauvetage. Il y a les autorités européennes qui ont été prévenues et qui n'ont rien fait pour ces gens. Du coup, il y a 130 personnes qui sont mortes. Et ça, par exemple, c'est sorti plusieurs jours après dans les médias français. Et du coup, nous, dans Chronique Amère, on trouve qu'il y a un enjeu de ouf à parler de ces situations et aussi pour nourrir, en fait, nos luttes, nos rages et s'organiser. Et du coup, par exemple, là, depuis vendredi, il y a eu des manifs dans une vingtaine de villes en Allemagne. Il y a eu des manifs en Tunisie. Il y a eu des manifs aux Pays-Bas. Bon, voilà. Et du coup, moi, je trouve en tout cas que parler de ça, c'est hyper important. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est la situation et pour nommer les responsabilités, parce qu'en vrai, les États européens, ils sont responsables de construire une frontière, de laisser mourir des gens, de les attaquer en mer, de financer des gardes-côtes, des soi-disant gardes-côtes libyens qui soit laissent mourir les gens en mer, soit les ramènent dans des camps de torture en Libye. Et du coup, tout ça, soit criminalise les bateaux ONG qui font du sauvetage en mer, et du coup les empêche d'aller sauver les gens. Et du coup, tout ça, pour moi, ça fait des moteurs de lutte hyper importants. Et bah En tout cas, ouais, ça fait vraiment. Bah déjà, je sais pas, moi j'ai envie de redire merci quoi, hein, pour le taf et pour la création de ces chroniques. Et puis, et qu'effectivement, quoi, que tous ces morts, c'est hyper important de leur rendre de la visibilité et de s'organiser pour s'organiser contre les frontières et puis que les gens crèvent pas dans l'indifférence comme c'est le cas. Et que ça fait plaisir de savoir aussi là qu'il y a eu des bouts de manif et merci de relayer aussi ces infos-là. Et que tout ça, effectivement, c'est aussi permis par la radio quand c'est posé comme un outil politique. Et moi, j'ai un peu envie de renvoyer la question un peu de plutôt sur l'outil radio à notre autre invité qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Parce que un peu là le fil pour enchaîner, c'est aussi est-ce que tu as envie de nous raconter toi un peu comment tu fais de la radio, comment tu t'y es mis et comment tu t'y raccroches comme un outil politique, féministe, tout ça. Eh ben bon, moi j'ai commencé la radio en faisant une émission musicale thématique qui n'était pas vraiment politique, mais à part des fois. La dernière émission, c'était sur les musiques qui parlent d'animaux, alors ça n'a pas grand-chose à voir. Mais après, en tout cas, ça m'a donné envie, moi, de me servir de cet outil pour venir brasser aussi des trucs politiques et à plusieurs. Et c'est effectivement comme un ouragan. Où moi j'étais là au début de l'émission et que ça faisait un peu ce truc de... J'ai trouvé qu'on prenait le temps de creuser des sujets, de discuter ensemble, de se nourrir déjà de nos réflexions les unes des autres pour après venir le présenter à la radio. Et du coup, quand je suis partie de Saint-Étienne, moi j'ai rejoint une équipe d'infos à Marseille, à Radio Galère. Du coup, c'est les infos choisies. Et parce que j'avais envie de continuer à faire ça, en fait, surtout. Et que c'était ouais, je sais pas, c'est un moteur aussi pour moi qui me suis un peu, qui a l'impression de m'être un peu rangée dans la vie à côté de me dire, en fait, ça me permet de continuer à brasser des trucs politiques et aussi à plusieurs, quoi. Info choisie, pourquoi vous avez choisi Info choisie, enfin, comment vous êtes lancée là-dedans ou tu as rejoint un projet qui existait déjà? Le projet, il existe déjà depuis plusieurs années. Après, il y a eu plein de formes d'organisation différentes, mais en tout cas, c'est un créneau qui est le vendredi à 12h30. Vous trouvez le podcast sur le site de Radio Galère, justement, au nom Info 12h30. Et je trouve ce truc d'info choisi, j'ai l'impression que ça vient de l'idée de soit de venir aller chercher des infos qui sont dans les grands médias, mais qu'on a envie d'amplifier ou de relayer un peu plus, et ou d'aller chercher des infos qui nous parle à nous, l'équipe qui les faisons, d'aller tendre le micro dans la rue, prendre des sons de manif, faire des interviews, des chroniques, de se pencher sur des trucs d'analyse. Après, il y a aussi un peu... j'y suis depuis l'automne, je suis un peu la dernière recrue, du coup, ça fait pas très longtemps, mais j'ai vu pas mal ce truc de carte postale sonore aussi, là, de gens qui sont un peu ailleurs, gens qui sont à la campagne, qui vont envoyer un petit son sur tel ou tel sujet... C'est assez varié, finalement, les thématiques. Après, je pense qu'on est quand même très... On a des bases politiques communes qui font que voilà, les sujets, ils se croisent. Et on se donne des thématiques, des spéciales. On fait des spéciales. Et moi, j'ai entendu parler d'une spéciale vaccin que vous avez fait il n'y a pas longtemps. C'est notre dernière spéciale. Ouais. Et pour donner aussi, moi je trouve un exemple un peu de comment est-ce qu'on peut jouer avec la radio, et ça veut dire quoi aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on politise, enfin, ou en tout cas comment est-ce qu'on rend politique une information. Moi je trouve ça intéressant dans les dernières infos, là, la spéciale vaccin, de réfléchir aussi à qu'est-ce que c'est que d'être noyé dans de l'information, et à un moment donné de se dire, bah là on s'arrête là-dessus, on creuse, et aussi plutôt que de prendre soit un langage d'expertise ou un langage zapping, en fait, on va prendre un peu le temps de le parler avec nos mots à nous pour rendre des concepts accessibles. Et moi, je trouve que c'est un exercice que tu as bien fait sur la dernière. Alors, on peut s'écouter un petit bout où tu racontes, notamment pour parler des vaccins, qu'est-ce que c'est que le système des anticorps. Tout à fait. Depuis quelques mois, on compte en millions les personnes à travers le monde qui se font vacciner. Le gouvernement a annoncé vouloir ouvrir la vaccination à qui veut d'ici le mois de juin. comment décider de se faire vacciner ou non si l'on n'a pas toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision? Comme dans beaucoup de questions de santé, l'individuel croise le collectif et une décision personnelle de se faire vacciner ou pas a un impact sur la vie de notre entourage et à plus grande échelle sur l'épidémie concernée. Des questions très complexes à prendre sûrement avec beaucoup d'humilité. À l'échelle de la santé publique, le principe de précaution a basculé en janvier en Europe. De la prudence devant un nouveau vaccin vers l'urgence de vacciner au plus vite pour protéger les plus fragiles et à moyen terme arrêter l'épidémie. Contrairement à la tradition du monde médical et politique, on pense qu'on est tous et toutes assez intelligents pour comprendre le fonctionnement d'un vaccin et peser un rapport bénéfice-risque selon notre état de santé et nos pratiques. On pense qu'on est tous et toutes assez intelligents pour comprendre les dynamiques capitalistes qui orientent la recherche médicale et le marché des vaccins. Ce qu'on a vu depuis plus d'un an, c'est un État qui fabrique des ennemis intérieurs pour cacher son incapacité à gérer la crise sanitaire. Ce qu'on a vu l'an dernier, c'est que cet État a été plus lent que sa société à fournir les masques et la nourriture dont elle avait besoin. La société, c'est nous, et nous ne sommes ni bêtes ni irresponsables. Alors, aujourd'hui, il y a 4 types de vaccins contre le Covid-19. En France, le premier a été disponible le 21 décembre dernier. On va revenir sur chacun de ces types de vaccins, expliquer son fonctionnement et quel laboratoire le développe. D'abord, un vaccin, comment ça marche? Les vaccins ont pour but de nous protéger des virus. Rappelez-vous l'image du virus du sida, le cercle avec des pics. En fait, ils ressemblent un peu tous à ça. C'est l'image d'une cellule de virus. Les petits picots qu'il y a autour, c'est ce qui sert au virus à s'accrocher aux cellules de notre corps. Une fois qu'une cellule de virus s'est accrochée dans une cellule à nous, elle peut se multiplier. Par contre, quand le virus s'accroche à une cellule, il est aussitôt analysé. Si notre corps détecte que c'est une menace, il va se défendre. Il fabrique des anticorps. Notre corps a déjà un système défensif de base, c'est les flics en blanc dans des capsules qui volent dans « Il était une fois la vie ». Souvenir. Mais comme on n'aime pas trop les flics et que ce dessin animé est quand même un peu craignos politiquement quand on le regarde, ça date de 86, hein, on va appeler ces anticorps des combattantes. Quand il y a une menace, elles se multiplient. Mais les combattantes, elles n'ont qu'une formation de base. C'est au fur et à mesure des menaces qui se présentent qu'elles apprennent à les combattre. Le problème, c'est que le temps de former les combattantes à la nouvelle menace du virus, qu'elles y aillent, se battent et gagnent, on est malade. Et même des fois, on perd. Quand on fait une sérologie sanguine du Covid, on compte le nombre d'anticorps, de combattantes formées au Covid dans notre corps. Mais cette formation, elle prend plusieurs semaines. Alors il y a d'autres tests qu'on peut faire plus tôt. Et donc on voulait revenir un peu sur les tests. Peut-être on peut commencer par le test antigénique. Ouais, quand on fait un test antigénique, c'est comme dans les tests du Covid en pharmacie. On compte combien il y a d'antigènes de virus dans notre nez. Les antigènes, du coup, c'est des protéines de virus. Et du coup, on dit qu'il n'est pas très fiable, ce test? C'est parce qu'il peut y avoir des faux négatifs. Si on n'est pas très malade, le test ne va pas détecter les antigènes qui seront trop peu nombreux dans notre nez. Par contre, s'il est positif, c'est forcément un vrai positif. Ça veut dire qu'on a du virus dans le nez, donc un peu partout. Ok. Et c'est la différence avec le test PCR, du coup, c'est quoi? Alors le PCR, du coup, on va revenir sur l'antigène d'abord. La différence, l'antigène, c'est que c'est juste une protéine, c'est un bout du virus. Et le PCR, il cherche le génome entier du virus, c'est sa signature biologique. Du coup, c'est plus précis et plus fiable, notamment si on n'a pas de symptômes. Mmh. Et du coup, il faut attendre 7 jours après le dernier contact à risque, quoi, c'est ça? Ouais, c'est okay. Le plus sûr, comme ça, il y a assez de virus qui s'est développé pour qu'on le trouve. Ok, bah, okay pour les tests, et on revient au système immunitaire. Tout à fait. Allons-y, alors c'est parti. Ensuite, quand on est guéri, notre corps il fait un peu comme les mouvements révolutionnaires. Il revient jamais à la normale d'avant. Il garde en mémoire ce qui s'est passé. Il a des combattantes déjà formées au cas où le même virus revienne. Et c'est comme ça qu'on est immunisé. Le problème avec le Covid, c'est que l'immunité ne tient que 7 à 8 semaines. On ne sait pas pourquoi, après, le corps oublie sa formation. On peut donc attraper le Covid plusieurs fois. Bah, franchement, merci, parce que moi, je n'avais jamais aussi bien compris la question du vaccin. Et en écoutant les extraits d'infos choisis, là, ça m'a fait penser que à Nantes, il y a une web radio qui s'appelait Radio Cayenne, qui s'appelle toujours Radio Cayenne d'ailleurs. Et pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, et ben faisait les jours de manif des infos dès le matin. Mmh. Et en vrai, c'était hyper agréable. Mmh. Sur la question de à quoi ça sert la radio. En vrai, on se levait le matin et juste on mettait Radio Cayenne et on n'avait pas toute la merde. Et juste, on avait des infos de bah, y a des camarades en lutte là, il y a des camarades en lutte là, il y a un rendez-vous ici, il y a un rendez-vous là. Et en vrai, moi, ça mettait vraiment la patate de ouf. Et j'y ai pensé il y a quelques mois là parce que il y a eu la marche des sans-papiers qui est arrivée à Paris et je sais que comme un ouragan a fait une émission où vous avez parlé de ça. Mmh. Et du coup j'ai allumé ma radio le matin et j'ai rien entendu dans aucun des médias et des fucking radios sur ça. Et du coup, vraiment, je me suis dit, bah, en fait, ça me rappelle comment c'est hyper important d'avoir des infos choisies et des infos où, en fait, on a envie de raconter ben, c'est quoi le monde dans lequel on vit et c'est comment qu'on lutte contre ce monde-là. Voilà, du coup, ça faisait vraiment un gros pouvoir de la radio, en tout cas avec Radio Cayenne, là. Et du coup, avec les infos choisies, merci. Et voilà, vive les radios libres. Bah ouais. On peut aussi, on peut aussi vous conseiller les infos de Radio Canu, par exemple, qui sont des infos politiques, militantes. Ouais. C'est tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur Radio Canu 102.2, mais ou sur le web radio à Saint-Étienne. Ouais. Et ici à Saint-Étienne aussi avec Radio Duo, il va y avoir un peu un événement qui commence le 25 avril et qui devrait durer pendant 2 semaines. Parce que ce sera les 40 ans des radios libres et puis les 42 ans de Radio Duo. Donc il y aura un peu des petites spéciales, il y aura des discussions entre émissions, enfin bon, toute une aventure qui est encore en cours de préparation. Voilà, du coup, très bon anniversaire à Radio Duo. Ah, et puis que nous, finalement, les thématiques spéciales qui sont proposées pour cet anniversaire, c'est de causer de radio. Du coup, nous, on fait un peu un anniversaire en avance, finalement. C'est le propre des féministes. D'être en avance. Mais ce qui est bien avec la radio, c'est qu'on peut toujours faire des rediffusions. Oui. Et ça va être le moment, parce que ça fait longtemps là, qu'on ne s'est pas écouté une petite chanson. Du coup, on peut se lancer ça. Ah bah non, et voilà la technique. Qu'est-ce que tu veux, hein? Faut pas insulter la technique. Hein. Non, jamais. Là, on vous entend la chanson et tout. C'est bon. Said your name, but I knew just who they meant. Bon, quand on parle d'outils de radio, on a eu envie aussi de parler un peu d'un réseau qui s'appelle Radio Rageuse, qui est un réseau féministe radio. Et en fait, il existe une très bonne texte de présentation de Radio Rageuse qu'on va vous lire. Et comme ça, pour voilà, comprendre qu'est-ce que c'est comme réseau. Alors, Radio Rageuse, une nébuleuse radiophonique féministe, forte, solidaire et en colère. Depuis plusieurs années, des émissions de radio féministes francophones existent sur de nombreuses antennes associatives et militantes. Radio Rageuse est un réseau créé en 2009 qui rassemble ses émissions pour créer une dynamique collective, se soutenir et échanger. Nous ne sommes pas une radio ou un collectif, mais un réseau de personnes et d'émissions féministes. Nous nous retrouvons régulièrement en mixité choisie sans mexis. Nous sommes des trans, des meufs, des lesbiennes, des non-binaires, des guines, des femmes, des intersexes, des asexuels, des bisexuels, des pansexuels. L'objectif est de nous former en échangeant nos savoirs lors d'ateliers sur nos pratiques et nos outils techniques. Ces rencontres sont aussi l'occasion de prendre l'antenne ensemble. Nous avons aussi créé une plateforme internet, une bibliothèque sonore en ligne, un espace virtuel pour nous coordonner, diffuser nos émotions et rendre visibles nos féminismes, trop souvent instrumentalisés ou passés sous silence. Les contenus postés sur le site reflètent nos multiples facettes et positions politiques. Radio Rageuse est un outil de lutte contre les hétéro-patriarcat, le sexisme, la misogynie, la LGBTI-phobie, la binarité et les normes de genre. Nous voulons aussi dénoncer et combattre, y compris au sein de nos collectifs, les différents systèmes de domination répressifs et normatifs qui s'articulent avec l'hétéropatriarcat, notamment le capitalisme, le colonialisme, le racisme. Nous prenons la parole en tant que premières concernées. Nous accueillons aussi des invités et relayons des luttes, des initiatives, des analyses, des créations, souvent invisibilisées, ridiculisées ou insultées dans les médias dominants ou la société en général. Nous avons à cœur de respecter les différents choix et stratégies d'émancipation. Il est nécessaire de créer nos propres médias pour faire entendre nos voix, nos combats, nos histoires. La rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à femme, la vie claque quand on se met sur les pavés. La rage de voir nos putains de entravés, de vivre entravés. Un cumulolingus des émissions radio de féministes, gouilles, trans, femmes. Sur www.radiorageuse.net. Qui fera trembler tes normes. Waouh, ça donne envie, hein. Mmh. C'est vrai que ça donne envie, Radio Rageuse, parce que ça vient raconter comment, en tant que féministe, on arrive à se refiler des billes, à s'alimenter les unes les autres, à pas avoir les mêmes points de vue, les mêmes réalités, mais aller se percuter là-dedans et en se donnant la voix. En tout cas, moi, c'est un réseau que je trouve vraiment, vraiment merveilleux et très, très offensif politiquement. Et qui permet des rencontres. Enfin, je sais pas, moi, comment vous y reportez un peu à Radio Rageuse et à ça, la mise en réseau. Bah, moi, ce que je trouve génial dans Radio Rageuse, c'est que... Et il y a des questions, des débats qu'on a à plusieurs émissions dans plusieurs endroits et aussi que ça permet des vraies rencontres et des vrais échanges de coups de main et des vraies discussions politiques ensemble et que ben être féministe, souvent, c'est perçu comme juste on a un avis sur c'est quoi le sexisme et en fait, on peut pas parler de sexisme sans parler du... reste du monde qui nous entoure, du capitalisme, du racisme, de tout ça. Et Du coup, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans Radio Rageuse, c'est que ça permet de, avec nos points de vue féministes et nos lunettes féministes, ben, de causer de tout un tas de sujets qui sont hyper intéressants et puis de faire plein d'émissions sur plein de sujets et de faire circuler des paroles et des luttes sur tout un tas de sujets différents. Ouais, moi j'ai surtout participé à un direct où il y avait vraiment plein de plateaux différents aussi, et avec des non-mixités qui n'auraient peut-être pas été possibles uniquement dans les villes ou des trucs comme ça, que ça vraiment ça permettait aussi de la rencontre à plein là, de aussi revenir se recroiser, rebrasser des trucs. Enfin, je sais pas, moi je sais même pas si je faisais déjà un peu de la radio, mais je me suis retrouvée là-dedans. Enfin, dans l'énergie des rencontres aussi, à aller. Je sais pas, brasser des trucs, faire plein de gens et se retrouver comme ça sur un plateau. Ouais, moi je trouve que c'est carrément ça aussi que ça permet. En fait, c'est vu qu'on se retrouve autour d'un outil commun qui est la radio, et que la radio, c'est aussi se dire à un moment donné, faut causer ou faut faire des petits bruits ou passer de la zic, et que moi je trouve que ça amène à produire des choses aussi et à pas rester en petite boucle ou un peu trop timide, mais se dire ah bah non, en fait, il y a plein de choses à bidouiller et que ça. Ça amène aussi ça là, comme possibilité de rencontre. Et qu'il y a tous les enjeux aussi de maîtriser un outil technique et de communication, qui est quand même un sacré enjeu féministe, de rien. Moi, je trouve aussi précieux, je ne suis jamais allée à des rencontres de Radio Rageuse, mais je trouve précieux aussi le site. Enfin, ça compile tellement d'émissions, et plein de fois, j'y vais, je mets un mot dans le moteur de recherche, et je peux écouter des émissions sur plein de thèmes différents, traités différemment, même si c'est le même thème. Enfin, je trouve ça vraiment précieux aussi comme compilation... archives vivantes, quoi. Et par rapport à ce que tu disais aussi de la bidouille, moi je trouve, notamment en ce moment là, il y a un enjeu hyper fort par rapport à l'économie du podcast industriel, où il y a des grosses plateformes de podcast qui produisent des sons qui sont écoutables. Alors du coup, il faut mesurer l'audimat de chaque podcast. Et puis du coup, ça fait des podcasts qui sont bien calibrés et puis du coup, qui permettent de faire de la thune à balle. Et du coup, je trouve que Radio Rageuse, c'est aussi un réseau de bidouilles, ouais, de transmission de savoir, d'organisation en autogestion. Et du coup... tout ça, ça fait, pour moi, ça fait aussi de mettre en pratique de la résistance contre ce système de podcast industriel capitaliste. C'est ça, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on raconte finalement. Et qu'on le comprenne, certes, mais en fait, peu importe. En tout cas, il n'y a pas de critères techniques, il n'y a pas de salariés techniciens qui vont passer derrière les podcasts de Radio Rageuse pour faire un son qu'on pourrait bien reconnaître et tout ça. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans les émissions, quoi. Et vous avez déjà fait des émissions ensemble ? Ouais, non mais d'ailleurs on pourrait. Parce que par exemple, depuis le week-end dernier, la dernière rencontre de la fabuleuse équipe qui gère le site de Radio Rageuse. Merci, franchement, merci. On vous adore. Du coup, il y a les infos choisies qui sont dans l'onglet ressources et camaraderie, et aussi une émission... sur laquelle on a travaillé ensemble, mais en plus suite aux rencontres de Radio Libre, qui sont encore d'autres rencontres qui sont mixtes, et où du coup on a effectivement, suite à un atelier pendant ces rencontres, fait une très belle émission sur le travail associatif, qui est du coup disponible sur le site de Radio Rageuse. C'est FAG, ensemble. Les mains dans l'assaut. Hyper bien. Et est-ce qu'on se dirigerait pas doucement vers les dernières minutes de notre émission qu'on dépasse toujours largement tous les mardis soirs ? Il n'y avait pas un jeu de concours aussi ? Non, d'abord il y a un agenda. Ah mais non. Il faut attendre un peu, mais ça okay, va venir. Ok, on va attendre. On va attendre. Agenda, peut-être parler samedi, c'est le 1er mai. Là, il y aura un rendez-vous devant la Bourse du Travail à 10h. Et puis, le défilé sera suivi d'un carnaval. Aussi, du coup, il y a cette grosse manif contre les frontières européennes, Action féministe contre les frontières européennes le 5 juin à Nice. Il y a un comité local d'Orga à Saint-Étienne qui se réunit tous les samedis une fois sur deux. Du coup, le prochain samedi où il y a réunion, c'est de 11h à 13h et c'est le prochain, c'est le 8 mai peut-être, non ? 8 mai. 1 plus 7, 8, ouais, c'est ça. Du coup, le 8 mai, et il y aura des soirées pizza de soutien vers le 16 mai, un exposé contre les frontières le 30 mai, et tout ça pour avoir toutes les infos, vous pouvez écrire à l'adresse cnt-fablib42, oh, en vrai, j'ai pas l'adresse, mais c'est trop... Ah. Bon, en tout cas, il faut écrire à l'adresse mail sur le numéro 0 sur le numéro 0, il y aura le lien. Il y aura les infos, peut-être. Voilà, mais en tout cas, c'est cool si on remplit plein de bus pour aller contre les frontières. Et maintenant, le jeu concours. Oui, le jeu concours. Mmh. Voilà, ça va être notre premier jeu concours comme un ouragan. Tout le monde, tous nos auditeurs, auditrices, auditrices peuvent participer, mais seuls les personnes qui ne sont pas des gays cis hétéros pourront recevoir leur prix. Puisque le prix sera à retirer, justement, sera un t-shirt féministe contre les frontières qui sera retiré un samedi matin à une de ces rassemblements du comité local de Saint-Étienne, lieu à découvrir. Du coup, bref, il y a un t-shirt à gagner. Ok ? Yes ! Voilà, et tout le monde peut jouer. La règle est simple, nous allons écouter une excellente chanson de Lonnie B qui s'appelle I'm a Proud Gay Boy. Et dans cette chanson, il sera prononcé le mot radio. Si vous découvrez combien de fois est prononcé le mot radio, vous gagnez un t-shirt féministe contre les frontières. Voilà. Jouer. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Voilà. Alors bonne écoute. Et puis bonsoir. Salut. Salut. Au revoir. The lifestyle that I have, they call it a sickness, but I am healthy and I am a living witness. Trying to single me out, but I fucking stand out. Fly, unique, and vocal from my mouth. Since I was young, I've been called all types of names. Fag, girl, cunts, everything. Niggas didn't want to be my fucking friend, cause they thought that I just want to put it in. Not true, they didn't have a clue on what I wanted to do. Just a homeboy to you, to disrespect my name and call me a disease, and say that all gays got STDs, and we like to get on our knees. And you believe that? Child, please. They stereotype everything that we do, over and over through the breaking news. One Mississippi, two Mississippi, three. You gotta calm down, Lonnie B. I'm sick of this shit, you weak mind bitch. Just because I'm attracted to another dick and I'm insane, you wanna call names? Do you feel this? My fucking pain. In the long row, in the thunder and rain, hearing threats, lies, rumors over again. Preparing myself for this fucked up world. To all my guys living their lives as girls, a vampire life only come out at night, because they not accepted in the bright light. Walking dark alleys with flashing lights, lights, lights, lights, lights. It's frustrating to the fucking brain. We look for a cure, so we try cocaine, thinking that shit gonna ease the pain. Overdose, one more, drop the game. What am I to do? I don't have a clue. No one loyal that I can run to. They won't come near, cause it's me they fear. All of this heartaches, I keep sharing tears. Asking myself, do I really wanna live? Live, live, live, live. It's hard to be accepted in this fucking game, cause my sexuality have a no lane. Radio won't play my fucking jam, cause they feel like I'm not part of the fam. It's crazy and stressful, so we go to the pole, cause the government keep telling us no. We ain't hiring today. Come back when you're not gay. damn daddy won't accept my life. Mommy rolling with me in this fucking fight, trying to ease up the pain while I'm playing this game, striving for my goals so I can make it rain. Damn daddy won't accept my life, mommy rolling with me in this fucking fight, trying to ease up the pain while I'm playing this game, striving for my goals so I can make it rain. Hey, do I really wanna live? Hey, do I really wanna live? I keep sharing these fucking tears, asking myself, do I really wanna live? Radio won't play my jam. Radio won't play my jam. The radio won't play my jam, because they feel like I'm not part of the fam. What am I to do? What am I to do? I don't have a fucking clue. What am I to do? What am I to say? What am I to say? They don't love me 'cause I'm gay. What am I to say? Because I'm gay, I got an STD. Because I'm gay, they won't hang with me. Because I'm gay, I'm not family. Because I'm gay, God don't see me. Because I'm gay, I got an STD. Because I'm gay, they won't hang with me. Because I'm gay, I'm not family. Because I'm gay, God don't see me. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Because I'm not Biggie, I ain't gangsta, bitch. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Because I'm not T.I., I'm not gangsta, bitch, but I'm a proud gay boy. I'm a proud gay boy. I'm a proud gay boy. You can't play me like no fucking toy. I'm a proud gay boy. I'm a proud gay boy. I'm a proud gay boy. You can't play me like no fucking toy. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Because I'm not 50, I ain't gangsta, bitch. Do I really wanna live? Do I really wanna live? Do I really wanna live? Hell yeah, 'cause I have no fear.